J'ai effacé les mauvaises choses de mon passé pour faire briller mon futur et mon présent. Je vais pas te donner de mauvais exemple, écoute. Hey. J'ai effacé les mauvaises choses de mon passé pour faire briller mon futur et mon présent. Je vais pas te donner de mauvais exemple. Alors je m'applique et j'écris totalement tout en restant conscient, même si parfois y'a des débordements. C'est que la vie me fait du rentre dedans. Faut surmonter les épreuves et sauter au-dessus des barrières que certains t'imposent. Les jaloux, les rageux, on devrait en faire un métier, ça rapporterait ça. Bande de pute, écoute, j'arrive, j'ai cassé le frein. Je me sens toujours aussi bien entouré des miens. J'ai besoin de plus et encore moins de focus. Texte conscient avec des passages accrus, des passages à vide. Regarde comment je m'exprime, le rap et moi. Non, non, c'est les rimes des MC qui dort. Tu vois quoi, ça part en couille quand les gourdes sont vides. Qui a pu laisser le cours, ça m'agouille, ça s'embrouille, ça part en couille. Nos vies se tracent vite, c'est rarement celle qu'on croit ou celle que t'imagines. C'est ni celle dont nos rêves, chacun de nous a envie. Une erreur et ça te suffit à mal finir, à mal finir. Et ouais, faut pas jouer avec la vie. Et ça te suffit à mal finir, à mal finir, à mal finir. J'ai la dalle, la rage, je suis assoiffé du rap. Faut que je m'évade, faut qu'on quitte cette société normale. Nos vies sont dures, nos vies sont crues, dirigées par des ordures. On a oublié, trié les détritus. J'ai la dalle, la rage, je suis assoiffé du rap. Faut que je m'évade, faut qu'on quitte cette société normale. Nos vies sont dures, nos vies sont crues, dirigées par des ordures. On a oublié, trié les détritus. La vie ce n'est pas un jeu, mais faut savoir s'en servir si tu veux pas mal finir. J'ai vu des gens bien partir dans des sales délires. La vie te pousse et te pousse à faire n'importe quoi. S'investit plus dans le shit mais dans la drogue dure. Ça ramasse jusqu'au jour. Une balance passe par là et ça finira rue du Carplot. J'ai vu des choses qui m'ont marqué, des trucs sales, j'en suis resté bouche bée. Nos vies se consument vite comme une clope partant devant. Bien souvent elle te fait trimer, ramer. Mais faut rester déterminé, serrer les dents tout comme garder la paire de gants. Ne suis pas de mauvais exemples, ça t'amènera à rien à part faire pleurer tes parents. Ne suis pas de mauvais exemples, ça t'amènera à rien, même pas très loin, à part faire pleurer tes parents. J'ai la dalle, la rage, je suis assoiffé du rap. Faut que je m'évade, faut qu'on quitte cette société de morphale. Nos vies sont dures, nos vies sont crues, dirigées par des ordures. On a oublié, trié les détritus. J'ai la dalle, la rage, je suis assoiffé du rap. Faut que je m'évade, faut qu'on quitte cette société de morphale. Nos vies sont dures, nos vies sont crues, dirigées par des ordures. On a oublié, trié les détritus.